Aimé Bonaparte. On a tout raconté sur cet énigmatique chroniqueur de prunes. On le dit pervers, dérangé, mégalomane, soumis à d'importants troubles mentaux. Mais qu'en est-il vraiment ? Une équipe de preneurs de son qui n'a peur de rien s'est rendue pour vous dans l'unique hémisphère cérébral qui demeure dans le crâne de cet homme. Pour finalement en rapporter cet émouvant témoignage, Aimé Bonaparte est un homme comme les autres. Tout ce dont il a besoin, c'est un peu d'amour et accessoirement du sexe, avec des filles. J'aurais eu un crayon, je vous aurais bien fait un dessin. Mais je n'ai pas de main. Alors pour illustrer mon propos, je vous propose d'écouter le son du cerveau d'Aimé Bonaparte lors d'un brainstorming préalable à l'élaboration d'un sketch à la bouche. C'est exclusif et c'est dans Y'a plus d'eau chaude, sur Prune. Pensez à être drôle. Je pense que dans le désespoir, le rire, ça serait une sorte. Une sorte de. D'un homme qui se dresse face au désespoir, face au vide de la vie, face au gouffre. Papa ? Oui, mais on voit aussi. C'est quelque part aussi une exultation de l'esprit et aussi du corps à la finale, puisque. Aimez-moi ! Ça compte autant que. Ne pas dire bite, penser, ne pas dire chatte, couille, penser, à être drôle. Ne pas dire terrine de haricots verts nappée d'un coulis de fromage au chocolat dans mon cul. Penser, pour ôter la liberté. Et pas la même pouvoir dire que, et si le rire, c'était Dieu. Le rire est une liberté. Nous avons la liberté de rire, car le propre de l'homme, c'est rire. Et tout homme, c'est drôle. Penser à être drôle. Et une chute. Ah!